T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille au derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille au derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. J'fais le tollé général en masse. Mon rap attrape la touffe de BHL et sa blondasse chaudasse. Pas le temps pour les calembours. Vu la merde et l'agressivité de la bague dans les alentours. Dans la lorgnette, les miettes mon pote. Sous le cocorico du coq, la merde s'étale sur mon époque. Ça fait longtemps que j'attends plus un pont en or. Mes rêves sont en stand-by, le monde est ivre mort. Là j'ai une occasion de taper à la nuque. Et si ça se passe mal, j'ai ta grippe dans ma chute. Entrave aux forces de l'ordre. Entre les chiens se bouffent, se mordent. Les schlags manquent, c'est tort. Toc, toc, qu'importe, ouvre la porte. Froid et réaliste comme un schlasse dans la veine aorte. J'suis venu plier, j'suis style en 4-4. Aïna ni l'ami, je tâte pas le mec à chaque fois. T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille au derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille au derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. Moi j'ai une trique magique, j'ai pas les flics qui m'agitent. Un jeune beurre au comico avec une clique qui s'agit. Sa part en Zeusca, une commissaire Zeusca. Qui joue la méchante gondée, une brune qui aime la bite de Rachid. Quoi, quoi, je suis un rurti avec des couilles à ta droite. Pas, je les bandis, y'a la foule, tu trompes pas. Mais ça qui ça, un sac va qui glisse ça. Du poulain monsieur, qui, une boucarde qui crie son carpe. Là je vais au casse-pipe, explose comme du plastique. Une fois sur terrain, je reste fixé comme le mastic. Souvent c'est la plastique, je m'en bats les coups de l'aspic. Je dois m'en sortir tout seul, dans mes preuves dans l'asile. Évitons de faire des sentiments. Original des mauvais garçons. Rien à foutre des gens qui mentent. Nous on est fait ça depuis tout le temps. T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille au derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. T'es une racaille au derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille ou derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. J'suis là pour mettre ma dose, morceau après morceau. Mec c'est mon tag, ma cause comme le dit. Je l'ai coincé à mon cou, fidèle à mes couplets. Écoute, c'est pas la gloire qui m'anime moi. Le six c'est on dort, merci plus d'un Hamza. Toujours les mêmes en featuring. 15 ans de gens dans ce même putain de ring. Fais flipper dans l'Al-Qaïda. Cherche pas à vouloir brouiller les pistes. Doubler ma clique, lance tes critiques. Histoire troublée, vas-y. Hey, sur d'elle, confiant ta force d'écraser les ondes. Hey, éclater ton thème sur scène. Hal, seul ou en bon mon sang. Te percute, rentre dedans tel instant. T'es une racaille ou derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille ou derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. T'es une racaille ou derrière tu remues. Même le sang des petites putes ou des bandes. T'es une racaille ou derrière tu crois. Car cette fois la bastos tu vas la sentir. Wow.